alpin, les arrachés de pain. Et si j'avais un souhait, serait de revenir en arrière, profiter de mon père, jamais de lui mettre en colère. Revenir à cette époque, je crois que c'est celle de Valpin. Les négros avaient la cote qu'elles avaient déjà fait. L'époque du handball avec monsieur Apathy, ça se donnait à fond comme si ça jouait la ligue. Les coins ça se faisait à Valpresse ou en bas de la Martine. L'époque des rodelles, des rebelles en sautant du 26. L'époque où j'ai connu le rap en écoutant Bivaji. Tous ces concerts du Merlan passant par la Saville. Mon destin, je pensais l'avoir trouvé chez les Médirs. Des années qui m'ont fait souffrir, qui m'ont bien fait mûrir. Et si j'avais su 2002, je serais jamais parti. Pas pour vous mes petits bijoux, mais le tel auquel ils m'ont mis. Et dire que c'est pas légitime, ils ont rien à foutre de ma vie. Tout pour un honneur qui n'apporte rien à leur vie. Revenir à l'époque, on partait pour prêcher les frères. Trop de hikma, qu'on était tous solidaires. C'est des époques qui m'ont marqué, comme le World Trade Center. Des époques qui m'ont marqué, comme ce crash en plein air. À l'heure où la Savine me tourne le dos, j'rappe pour Marteau Boucho. J'envoie le Djoubou comme Assama Bojolé. Bien avant le net et le Bluetooth, j'montais sur scène avec la Bronca, Santiago Bernabéu. Je suis un enfant du 15ème, un rappeur des guinguettes. Des pains merguez et des frites dans la barquette. Le bar tabac et les montes, ta mère elle t'appelle. Je suis un enfant de Valpin, numéro 10 au bassin. Qui peut comprendre ça? Je suis un enfant de la JSA. Même Jéhovah ne pourra pas témoigner. On préfère mourir plein que vivre vite. Une pensée à Abdoum Zemoigné. On les a vus monter la pente à pied. Aujourd'hui ils passent à la télé. La reconnaissance, pas besoin d'en parler. À la sortie de la répète, les ballons douillés. Je suis un junior avec un 45 dans les sous-sols. Les nouveaux musulmans, je les ai vus faire la coupole. Je suis pas là pour me la raconter. Tu peux me mettre de côté. L'argent d'Ibrahim Ali est au fin fond d'une contrée. Ou dans un hôtel avec des putes cocaïnées. Je fais saigner le cœur, car c'est Mockingbird. C'est pour General Lee, c'est pour Black Posse. Je replonge dans mes pensées, devant ma feuille blanche, un retour dans le passé. Cela me permettait de voir, de me situer. Pour qui je bougerais pas un doigt, pour qui je me tuerais. Mais où est l'époque où on se voyait tous en bas de nos blocs, sans se soucier d'un cri ou d'un glock? Putain, où est l'époque où on construisait des cabanes dans nos collines, où la plaque tournante du rap était la Savine, où je taillais les cours pour faire mes textes en permanence. Je le fais toujours, oui en permanence. L'époque de mon premier concert dans mon quartier, l'époque où je trafiquais les notes de mon carnet. L'époque de Olivier Tom, j'étais haut comme trois pommes. Et déjà je rêvais de croquer le monde. Et déjà je rêvais de parcourir le monde. Et déjà je me trompais sur la vision du monde. Faut que j'en fume chaque semaine pour les putains de négros. Marteau te sniff, te fume jusqu'au mégot. On prend la paix, mais ils veulent la guerre, on en a assez. D'entendre ce rap de merde, c'est nous qui payons les pots cassés. Discret, le groupe qui défend depuis le début avec honneur.